C'est un monde de foncé gros, encore un monde de foncé gros, toujours un monde de foncé gros, putain de monde de foncé gros. Ok, c'est Soupy Crestfield, hey, à coup de Titi, y'a que des zombies, what's up, bi? Dans mon quartier, y'avait déjà soupir. Soupir? Excuse-moi, pote, tu reprends mon souffle. Je viens d'éviter le pire avec les agents dont tout le monde souffre. Ici, dans ta ville, ville, tout ressemble à résident des villes, ville et vite, ville. De rester seul, c'est évident, gros. Déjà qu'on vit dans un cul-de-sac, comme Louis Vuitton, en évitant le putain de tétané sans confident. Je m'accrée, pas pour traîner avec mes créants. J'ai dû m'accréler, pour le savoir, forger mes créants. Maintenant, je crois, c'est dur à dire, mais plus qu'en moi, mec, je suis décrassé. Gros et au ballon, j'ai plus qu'en emmène. On était classé, le rap topic et skate, merco de classé. À coup de batte, t'envoies matcher, et à part dans le batché. Chez nous y'a pas de code, après la boxe t'as eu le taekwondo. La vie c'est pas un jeu, survie cap comme sur Nintendo. Un monde de foncé gros, encore un monde de foncé gros. Toujours un monde de foncé gros, putain de monde foncé gros. Au quotidien j'écris, rire rarement de ma hive. Les regrets rongent, les soucis rendent mon moral maladif. Amnésique, réfléchir devient physique sous anesthésie. Les neurones résident des tombes dans le monde d'Anastasia. Invalide de droit, marche de travers, plus fait ses valises. Le bonheur, squat HP, la PS négocie sous les camises. J'ai pas choisi d'avoir mal, granger l'armure dans une armoire de fer. Des erreurs blessées au repentir une ardoise. J'ai les joues creuses et puis j'ai la forme d'un zombie. Et le moral à température moyenne de la Serbie. De plus tout leur essence est paraissant, les coulent l'heure de la souffrance qui nous fait croire que le bonheur précède la douleur. Durable maladie, on suit comme des troupeaux, qu'on prend tard nos QI. Dans travaux, notre esclavage n'est pas rentable. Tous des clones que l'illégal détruit parfois. Par quoi être un zombie, c'est guéri d'un remède narquois. C'est un monde de foncé gros, encore un monde de foncé gros. Toujours un monde de foncé gros, putain de monde foncé gros. Yeah, j'ai une tête de zombie, je déshabille. Des whisky sans coca, c'était ski pour escale. C'est tout ce qu'il faut donc, je tisse du soir au matin. Je prends mon temps pour que je bande, c'est ce que désire matin. Salope défoncé, donc que je lui sors les grands mots. Je lui dis qu'elle a des grammes en trop, car ses nibards ont l'air de grumeaux, ça craint. Mais je la baise avec son crâne de fessier. Mais si je l'ai ambiancé, c'est pour en cours, c'est mon crédit foncier. Ouais, elle a l'air d'un zombie, en plus elle veut un zombie. Je lui dis rends mon zombie, t'as fait mon sort et puis tu nous oublies. Et comme je suis crade, je lui crache des pustules. Je lui dis arrache ta gueule et va postuler chez les pustules. Un monde de foncé gros, encore un monde de foncé gros. Toujours un monde de foncé gros, putain de monde de foncé gros.